laissez-moi vous présenter votre capitaine, le commandant Avant. Monsieur, bienvenue à bord. Commandant, le navigateur, monsieur Arrière, et voici le copilote, monsieur Tout. Arrière. Avant. Avant. Tout. Bienvenue dans Hors-Cadre, l'émission qui adore. Bonjour et bienvenue dans Hors-Cadre, je suis avec Grandelf, là. Comment ça va? Ça va pas mal et toi, Péremptoire? Très très bien, tu es prêt pour cette nouvelle émission? Allez, on essuie les plâtres. Je sais pas où on va aller, mais on y va tout droit. C'est sûr. Alors, le concept de l'émission est simple, on prend un sujet et on brode autour avec des chroniques, des anecdotes, des petites histoires avec plus ou moins de rapports. Jusque là, ça va? J'ai bien expliqué? Ça ressemble à ça, ouais. Ouais. Et donc, le sujet de ce soir, le sujet d'aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce que c'est, mon cher Randall Flagg? Eh bien, en fait, on va parler d'aviation. Et tout de suite, je te laisse lancer le sommaire. Eh bien, dans cette édition de Hors-Cadre, 15e siècle, un génial inventeur s'inspire du vol des oiseaux dans l'espoir de les rejoindre grâce à une bien étrange machine. 1945, une escadrille de bombardiers disparaît au large de la Floride, les regards se tournent vers une mystérieuse forme géométrique. 1976, un pseudo-inventeur et un noble désargenté arnaquent la France, qui est de toute évidence manquée de flair. 1984, les vétérans de l'armée de l'air sont sur les dents alors que d'étranges bestioles envahissent les salles de cinéma. Bon, eh bien, on y va, on attaque? Ok, c'est moi qui m'y colle. Allez, on commence tout de suite l'émission et c'est toi qui t'y colle. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm a bird plane, I'm a bird plane, I'm a bird plane. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, I'm a bird plane, ça devrait te donner une idée de quoi je vais parler. Oui. Eh bien, on va parler de l'ornithoptère, en fait. L'ornithoptère, c'est, pour résumer, c'est l'invention, c'est le fait de pouvoir voler avec un appareillage qui en fait reproduit le mouvement d'un oiseau. D'accord, je vois tout de suite. Et donc en fait, c'est au 15e siècle qu'un certain Léonard de Vinci, dont tu as peut-être entendu parler. Très peu, juste dans un bouquin qui, de Dan Brown. Voilà, c'est ça. En fait, ce personnage a vraiment existé. Ah, d'accord. Et en fait, il était passionné par le vol, entre autres, puisqu'il était passionné par à peu près tout. Et il pouvait passer plusieurs heures à observer le vol des oiseaux. D'après lui, d'après ce qu'il disait, c'est l'oiseau est un instrument qui fonctionne selon des lois mathématiques, et l'homme n'a qu'à mettre au point une machine susceptible de le reproduire chacun de ses mouvements. Donc il essaya, il constata que les bras humains étaient un peu faibles pour voler, alors il imaginait une machine, je m'en doute, pour battre des ailes. Croyant que les oiseaux battaient des ailes d'avant en arrière, alors qu'en fait c'est de haut en bas, mais enfin c'est difficile de ralentir le nombre d'images à la seconde au 15e siècle. Il avait bien étudié, t'avais dit qu'il avait bien étudié le vol des oiseaux. Ouais, mais c'est pas facile de ralentir, de voir les images d'un battement d'ailes quand même quand t'as pas de moyen de le filmer. Donc il dessina des ailes pour ça. Alors il imagina des ailes composées d'une planche, de deux grandes ailes, de leviers pour le manœuvrer et de pédales et un système de poulies. D'ailleurs, je pense que c'est en faisant des ailes avec des planches que Léonard de Vinci. Mais bon, désolé. Ah, il s'aperçut bien. Désolé. Il s'aperçut très vite qu'en fait les matériaux étaient beaucoup trop lourds. À l'époque, du moins, il n'y avait pas de matériaux assez légers. Donc l'idée resta plus sur le papier que dans la réalité. C'est en 1678 qu'un serrurier français qui s'appelait Besnier tenta de voler avec des ailes palmées comme les pattes d'un canard. Bon, il n'y est pas arrivé en fait. Bon, pour l'instant, c'est que du fail, hein, ce que tu me racontes. Ah, mais c'est l'histoire d'un gros fail, puisqu'en 2005, il y a Yves Rousseau qui fit sa première tentative de vol musculaire ça faisait depuis 1995 qu'il travaillait dessus. Et en 2006, il arriva enfin à sa 212e tentative, il a réussi à voler sur une distance de 64 mètres. Donc, c'est-à-dire que le mec, il battait des bras sur 64 mètres et il a réussi à avancer, quoi. Alors, il se faisait remorquer. Ah ouais. Mais après, soi-disant, il volait vraiment. Et heureusement, après sa 212e tentative, couronnée de succès, il essaya la 213e. Bon, en fait, un remorquage trop rapide conduit à une rupture de l'aile, ce qui a gravement blessé le pilote et rendu paraplégique. Encore un fail. Oh, putain. Horrible, hein. Est-ce que le mec c'était un bodybuilder? Parce que pour réussir à se déplacer à la force des bras comme Mais ça. je te dis, il se faisait d'abord tracter, donc en fait, Ouais. il commençait Pourtant, à battre des ailes une fois en l'air. il faut quand même une sacrée force physique, Voilà. hein. À mon avis, d'ailleurs, les 64 mètres, c'était peut-être plus du Oui. planning qu'autre chose. Ça se dit du planning? Non, ça se dit pas. Je sais pas, du planage? Du planage, du Ouais. planationnage. Et il y a Paul McCready qui a également développé un ornithoptère de 5,50 m avec un système de pilotage automatique et un système neuromusculaire. Donc il a un peu triché sur le principe, mais c'était aussi un Ah ouais. ornithoptère. C'est-à-dire il n'était pas uniquement à propulsion musculaire, si j'ai bien compris. Donc finalement, C'est triché ça. c'est un peu triché. Voilà. Bah, du coup, finalement, ça n'a jamais été un vrai, véritable succès. Il y a beaucoup de chercheurs dans de nombreux pays qui continuent à essayer de faire voler un humain. Soit par des moteurs, soit par la force musculaire, mais il n'y a toujours pas de truc. Il y a eu quand même, en 2010, l'université de Toronto a réussi à faire voler pendant 19 secondes un ornithoptère à propulsion humaine qui s'appelle le Snowbird, mais il n'a pas été homologué parce qu'apparemment il ne remplissait pas toutes les règles pour prouver que c'était un vol. Voilà, on en est là. Donc en bref, voilà, c'est l'histoire d'un ensemble de gros fails, mais on essaye encore. A priori, on est loin de l'armure d'Iron Man, quoi. Ah, ça c'est encore autre chose, puisqu'on n'utilise pas les battements d'ailes sur Iron Man. Ouais. Ah, mais même la propulsion, ouais. C'est de toute façon des ailes qui se battent, que ce soit avec un moteur ou avec Ouais. la force musculaire. Eh ben, Voilà. à mon avis, on n'y arrivera jamais, mais bon. Oui, mais il est toujours marrant d'essayer. C'est vrai. On passe à la suite? On passe à la suite. Allez. Ils se sont perdus dans le tétraèdre des Bermudes. Tout ceci est ridicule. Le tétraèdre des Bermudes n'est qu'une légende. Je suis heureux de constater que ce qui est inconnu ne vous fait pas peur, Léla. Oui, car voyez-vous, il se trouve que pour votre prochaine mission, vous allez devoir traverser le légendaire tétraèdre des Bermudes. Futurama, hein, bien Futurama, sûr. la grande classe. Et donc, j'ai parlé de quoi, à ton avis? Du tétraèdre des Bermudes. Exactement. Alors, le tétraèdre des Bermudes qui se trouve à la galaxie, dans la galaxie. Non, j'ai parlé du triangle des Oui, Bermudes. pas Alors, trois c'est. côtés, ça suffira pour aujourd'hui. Oui. C'est déjà beaucoup. Ouais. Alors, c'est une zone triangulaire. Je pense que jusque-là, je vais pas te perdre. Jusque-là, ça passe. D'une superficie d'environ 4 millions de kilomètres carrés. Jusque-là, Combien t'as dit de c'est. kilomètres carrés? 4 millions de kilomètres Ah carrés. oui, non. Je pensais que c'était plus petit. Ouais. Ça s'étend de l'île de Porto Rico, donc jusqu'à la côte est de la Floride, et jusqu'à l'archipel des Bermudes, et on appelle ça aussi le triangle du diable. Et donc pourquoi j'en parle? Parce que ce triangle de mer, ce bout de mer, serait le théâtre de mystérieuses disparitions de bateaux et surtout d'avions. Eh oui. Et même si l'histoire remonte au temps de Christophe Colomb, l'appellation triangle des Bermudes remonte aux années 60 seulement. D'accord. Et donc là où l'histoire a vraiment pris de l'ampleur, c'est cette histoire qu'on a pu entendre par un des deux énergumènes du sommaire, donc tu vois. C'est la disparition d'une escadrille de 5 chasseurs en 1945. En fait, après avoir reçu un appel signalant qu'ils étaient perdus, ils ont envoyé, la tour de contrôle a envoyé un hydravion pour les chercher, Ouais. mais l'hydravion aussi a disparu. Donc au final, ils ont perdu 6 Wow. avions en l'espace de quelques heures. Donc là, jusque-là, ça pue un peu quand même cette histoire, non? Ça sent pas très bon, en effet. Et donc, on compte mine de rien plus d'une centaine de disparitions d'avions, bien plus de bateaux au passage, selon un article de 1974. Alors tout ça, c'est bien mystérieux, mais à ton avis, quelles sont les théories les plus plausibles là-dessus, selon toi? Des orages magnétiques ou quelque chose comme ça. Ouais, un dérèglement magnétique. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça peut être encore? Un espèce de siphon dans la mer qui fait couler tout le monde? Ah non, ça prendrait pas compte les avions. Un fort courant marin, mais bon, après. Voilà. C'est compliqué pour les avions. Voilà. Des bulles de gaz océaniques qui remontent, Ah, d'accord. qui se dilateraient. Ouais. Des sales conditions météo, ça c'est vraiment très, très Ouais. plausible. Et aussi le facteur humain, le fait que bon bah on fait des erreurs et puis ça se passe pas toujours très bien quoi pour les Oui, rattraper. mais il y a un truc aussi qui me fait poser question, parce que je pensais que le triangle des Bermudes était une zone beaucoup plus petite. Tu m'as dit que ça couvrait quand même un sacré périmètre. C'est assez grand, hein. Donc. Et c'est surtout Il y a un très grand trafic de bateaux et Oui, d'avions voilà, dans ça. ça représente la moitié de l'océan où il y a le plus grand trafic, forcément, c'est là où il va y avoir le plus de disparitions. Oui. Et à ton avis, les théories les plus Bah, farfelues? des extraterrestres, bien sûr. Des ovnis, ouais. Évidemment. Il y a aussi les OSNI, c'est des objets sous-marins non identifiés. Par exemple, des bases sous-marines de la Seconde Guerre mondiale avec des missiles dedans. C'est une des théories, Il y a selon les aussi gens. des hosties, Et des objets, non? ouais, avec des Avec des prêtres. prêtres et tout. Des prêtres Voilà. sous-marins, ouais. Et sinon, la plus marrante que je préfère, l'Atlantide qui se baladerait dans le coin. Eh oui. Et ça causerait tout un tas de perturbations. Parce qu'il y a un plongeur qui a soi-disant découvert une pyramide de cristal sous le triangle des Bermudes, quelque part. D'accord. Et ça indiquerait que y aurait l'Atlantide pas loin. Et bah voilà, ça doit être ça. Et sinon, il y avait cette histoire d'un mec qui s'appelle Bruce Jernan, qui était dans son petit avion, comme ça, il était en train de piloter tranquillement, quand il a été entouré et bloqué dans une sorte de couloir nuageux, donc c'était une sorte de brouillard électrique qui a bloqué tout son équipement électronique. Ouais. Et une des grandes théories là-dessus, ce serait un voyage dans le temps et dans l'espace, parce qu'en sortant de espèce de couloir nuageux, il s'est trouvé très loin là où il devrait être, et à plusieurs heures de décalage. D'accord, en fait. Il volait en DeLorean ? Je ne sais pas, mais un avion en forme de DeLorean, ce serait très cool. Ou un ornithoptère en forme de DeLorean, avec les ailes en forme de porte, ce serait génial. Donc au final, tout ça, ça a été plus ou moins démystifié, parce qu'en gros, compte tenu du trafic d'avions et de bateaux, des conditions météo et surtout de la superficie, autant de disparitions, c'est pas nécessairement quelque chose de mystérieux. Proportionnellement, c'est pas vraiment mystérieux, en fait. Ouais. Et pour finir, est-ce que tu savais qu'à l'exact opposé du globe, il y a un triangle du globe? Il y a un triangle qui s'appelle la mer du diable. Ah. Et au large du Japon, c'est à l'exact opposé du triangle. Et ça fait à peu près la même surface ou c'est plus petit? Et il y a beaucoup moins d'histoires là-dessus. Je crois que c'est un petit peu plus petit. D'accord. Mais il y a beaucoup d'histoires de, comment dire, pas de bateaux fantômes, mais de brume, de dérèglement, de bateaux. Ils n'auraient pas vu ressortir par hasard les avions perdus de l'autre côté? Ah, il y en a qui y pensent, mais ça serait marrant au final. Un petit peu comme le tabouret dans Camelot. Voilà, c'est ça. Si tu mets deux tabourets à côté, après. Et est-ce que tu savais qu'en France, Cocorico, on a aussi notre propre triangle à nous? Ah bon? Ouais, dans le massif du Pilat. Ah, je croyais que c'était celui pour le CD le passage que tu allais nous dire. Non. En fait, en 1948, il y a un avion qui s'est écrasé dans le massif du Pilat et devine qui il y avait à bord. Le massif du Pilat, je sais pas. En 1948, c'était un avion qui se transportait à bord, la sœur du futur président John Fitzgerald Kennedy. Ah ouais, encore un Kennedy qui ramasse. Et donc ils sont vernis, les Kennedy. Ouais. Surtout que je crois que c'est le fils de Kennedy qui s'est écrasé en avion après. Ouais. Bobby. Ils ont une sale histoire avec l'aviation, les Kennedy. Bon, j'en ai fini. Tu veux passer à la suite? Eh bien, allons-y. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, est-ce que ça te rappelle quelque chose, ça? Non, t'es beaucoup trop jeune, je pense. Ah non. En fait, je vais te raconter une histoire qui avait été relayée par le Canard Enchaîné en 1983. Alors, je te remets un peu dans le contexte. C'est qu'en fait, on est en 1976. On sort de la première crise. On est dans la première crise pétrolière. En 3 ans, l'essence triple de prix. D'ailleurs, le gouvernement français fait cette fameuse campagne de pub que tu as entendue tout à l'heure. En France, on n'a pas de pétrole, on a des idées, histoire de remonter un peu le moral de tout le monde. Et autre chose pour te remettre dans le contexte, Elf, la société Elf, est une société d'État à cette époque. D'accord, oui. Et donc, entre 1976 et 1979, le Canard Enchaîné nous aura révélé que Elf aurait perdu près de 150 millions d'euros dans une sombre affaire d'avion renifleur. C'est pas beau de déterrer les casseroles du gouvernement Giscard, c'est pas ça? Oui, Giscard, exactement. Ouais. C'est pas très beau, j'avoue. Et en plus, moi, je le redéterre. le gouvernement français, le gouvernement français Elf, commence à se demander comment ils vont réussir à s'en sortir. Parce qu'ils perdent la crise pétrolière, et en plus, ils perdent des pertes de marché en Irak, en Algérie. Oui. Donc c'est un petit peu la panique. C'est à ce moment-là que, grâce à un avocat qui est un ancien représentant des services secrets français, il rentre en contact avec deux étranges personnages qui vont leur proposer quelque chose. Alors ces deux personnages, il va y avoir un certain Aldo Bonassoli. C'est un Italien, un réparateur de télévision, et qui fait plein de petits boulots, mais qui a, paraît-il, une invention. Et il est soutenu par un certain comte qui s'appelle le comte Alain de Villegas, c'est un Belge, je crois, un aristocrate qui a plus le sou, qui vit dans un vieux château, et qui a une grosse... Pauvre. Voilà, enfin, il a encore un petit peu de fraîche pour aider. Oui, il a encore quelques châteaux. Il a encore il est plutôt désargenté. Et il a une grande passion pour toutes les inventions... Un peu dingue. Alors ce fameux Aldo, puisque c'est surtout lui qui est l'inventeur, va proposer une invention à Elf, qui est un un outil pour repérer à distance les nappes de pétrole souterraines. Ça se compose en deux morceaux, d'après lui. Alors, il y a un truc qui s'appelle Delta, qui est un système embarqué dans un avion, qui envoie un signal au sol, et en reflet, il a une espèce de résonance des sous-sols, comme des images au rayon X, si tu veux. Et après, je sais pas si c'est complètement con comme idée, mais ou difficilement adaptable à l'époque. Disons que, quand on a entendu parler de rayon X et tout ça, on se demande pas si c'est possible. Et il y aurait une deuxième étape qui est l'étape Oméga, où tu te poses sur le sol avec un appareil au sol pour préciser le scan que tu as repéré depuis ton avion. Alors là, chez Elf, c'est les yeux qui commencent à briller et les dollars qui tournent. Le patron d'Elf a tellement peur que l'invention, même s'il a encore rien vu, c'est juste ce qu'on lui dit, il a tellement peur que l'invention lui passe sous le nez et file chez les ricains que tout de suite il fait en la va-vite un contrat. Donc en fait, l'actionnaire, c'est De Villegas qui gère toute cette partie pognon, on va dire. Donc c'est un contrat de 250 millions de francs suisses, soit 200 millions d'euros finalement. Eh ben, ouais. Voilà, ça commence à faire. De Villegas en profite et achète des avions, il rénove son château, il y loge Aldo et quelques techniciens. Ceci est la nouvelle base d'opération de leur société que Elf. Elle fait tout content que Elf vient de signer. Elle fait tout content parce que ça les rassure de voir que ça a l'air un gros Barnum comme ça. Et leur contrat spécifique, attention, hein, ce que vous faites, c'est que vous achetez l'exploitation de mon invention, mais vous n'avez pas le droit de savoir comment ça marche. De toute façon, vous ne pouvez pas comprendre. On attaque d'après ce que dit Aldo, c'est le plus grand baratineur de la planète. On attaque de toute façon des concepts physiques que vous n'avez pas les capacités intellectuelles de comprendre. Donc laissez tomber, de toute façon vous achetez que l'utilisation. Elf est tellement au coup pressé de prendre l'invention qu'il accepte tout. Donc c'est parti, on survole plusieurs sites qui semblent prometteurs. Alors Aldo bricole dans l'avion, on voit pas trop ce qu'il fait, et puis sur Terre, personne n'a le droit de voir ce qui se passe. Et parfois quand il est en avion, on voit bien sur un écran apparaître un écran blanc avec dessus des taches de couleur qui défilent comme si ça défilait sous l'avion. Enfin, ça a l'air très très bien. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'aller. Alors évidemment, ils vont pas creuser à chaque fois. Hein, donc pour l'instant, c'est que des projets. Et puis alors, c'est à ce moment-là que commencent un petit peu quelques forages, au bout d'un moment, parce qu'on commence à se poser des questions. En Afrique, parce qu'ils ont surveillé aussi l'Afrique, il y a un endroit prometteur, ils commencent à creuser et ils tombent sur du basalte. C'est assez étrange, parce que tomber sur du basalte, c'est pas du tout des roches qu'on trouve autour du pétrole, normalement. Et Aldo dit « Non, mais c'est normal, c'est parce que c'est en dessous ». Donc ça coûte une fortune, mais il continue à creuser. 5900 mètres, ça continue à coincer, et ils disent là, on peut plus, ça coûte trop cher. Et Aldo, il dit, ouais, non, mais ça marche en fait, c'est parce que la nappe de pétrole, je viens de préciser, elle est à 6200 mètres. Donc voilà, c'est pour ça que vous n'y êtes pas arrivé ce coup-ci. Alors là, Elf rentre dans le syndrome un peu Concorde, si tu veux. Tu vois ce que c'est, le syndrome du Concorde ? C'est on a trop mis de pognon pour arrêter, quoi. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc il y a ça, plus le côté concurrence. Il faut pas qu'on se fasse piquer le truc. Donc il continue, mais quand même, il continue et il creuse aussi autre part en France. Et c'est pareil, il creuse dans un endroit où il n'y a rien. Donc ça continue à se poser des questions. Elf convoque Aldo et Villegas et leur dit, bon, en 78, on est déjà 2 ans plus tard, ils disent, cette fois, on vous achète l'invention. C'est-à-dire, on vous achète pas l'utilisation, mais l'invention elle-même. Donc, pour 280 millions d'euros... Donc, ils ont foutu presque 500 millions là-dedans, plus les frais de pour le creuser. Oui, en plus, ça n'a même pas compté dans le truc. Donc en 78, il s'est parti. Raymond Barre donne son aval parce qu'il a l'air bien content. Entre-temps, je ne vous ai pas dit, mais notre président bien-aimé de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, était allé voir. Et il était toujours resté circonspect sur cette histoire. C'est-à-dire que même à ce moment-là, à peu près dans ces années-là, ils vont faire une démo... Une démo avec le président qui notera plus tard qu'il n'est pas convaincu du tout du truc. T'as des images de Giscard en train de dire qu'il dit non, j'ai pas vu les images de la démo. parce qu'elle n'a pas été filmée. Ouais. Mais Giscard qui explique que le premier truc qu'il a fait en rentrant, c'est faire noter sur un papier officiel comme quoi il n'était pas convaincu du truc, mais qu'il laissait faire. Oh, c'est génial. Qu'il laissait faire les professionnels, quoi, on va dire. Tu vois. Donc. En fait, en plus, ils trichent, Elf. Là. Ils vont commencer à faire une espèce de magouillage de société écran pour pouvoir verser les millions sans trop que ça se voit. Et ils deviennent associés avec les deux, nos deux Lascars, Aldo et le Comte. Ça, ça commence à... Et Aldo semble soulagé, le Comte pas tellement. En fait, Aldo semble soulagé parce qu'il a retourné du pognon, mais quand même, il se rend compte que ça va devenir compliqué. D'ailleurs, première chose qu'ils font faire à Aldo... c'est de donner des cours à d'autres polytechniciens pour essayer de comprendre son système. Alors il fait des cours et personne n'y comprend rien. Il arrive à embrouiller tout le monde. Tout le monde dit on n'arrive pas à comprendre ce qu'il nous raconte. C'est novateur. Voilà. Et ce que lui répond Elf, le patron de Elf, parce que le patron de Elf est complètement omnibilé par cette idée et pense que c'est la bonne. Et il dit, de toute façon, si vous ne comprenez pas Aldo, c'est qu'il est trop génial pour vous. Là, ça commence à sentir mauvais. Là, un nouveau légiologue est embauché. Je crois d'ailleurs que c'est à cette époque que le patron de Elf change. Mais l'ancien patron de Elf reste quand même gestionnaire du projet en question. Ouais. Donc le nouveau patron de Elf n'a pas son mot à dire là-dessus. De toute façon, tout le monde, dès qu'il essaie d'en parler, tout le monde lui dit « Non, non, mais c'est pas ton problème ». Le nouveau géologue qui est employé, puisque tous les autres étaient, de toute façon, même s'ils étaient très circonspects sur les méthodes de Aldo, n'avaient pas leur mot à dire, lui, il vient de l'extérieur, et donc on l'écoute un peu mieux. Il commence à se poser des questions. Il voit que Aldo refuse toute suggestion, et trouve toujours une excuse pour qu'on puisse vérifier ce qu'il y a sur son matos, sur ses machines qu'il utilise, ses machines avec des écrans et tout. Et là, ça commence un peu à craquer. Aldo baisse sa garde en 79, parce qu'il part quelques jours. Et là, Elf saute sur ses machines, les ouvre et démonte et s'aperçoit que dedans, il y a du vent, il y a l'équivalent d'un magnétoscope et des petites diodes qui font joli. Et là... Ah, les diodes, ça fait toujours très pro. Ouais, et là, ils sont tellement dans un état second chez Elf, c'est inexplicable, mais ils vont dire, ouais, mais c'est Aldo, il est tellement parano qu'il nous a laissé une fausse machine. Ah, putain. Ça va loin, hein. Et voilà, donc ils vont faire des démos. C'est, bah, oui, c'est à ce moment-là en fait qu'ils font la démo à Giscard d'Estaing. Et même Elf sait que la démo est un fake en fait. C'est-à-dire, ils disent, bon, puisque de toute façon on n'arrivera pas à donner quelque chose de satisfaisant au président, même si on sait que ça marche, on va lui faire une démo bidonnée. Donc ils le font parce que son image de résonance, il l'applique à tout. Là, par exemple, il montre un objet qui est dans une autre pièce à travers un mur, tu vois. Et donc, comme c'est une truc bidonné, ça marche. Et Valéry Giscard d'Estaing repart pas convaincu, mais bon. c'est à ce moment-là que le nouveau géologue s'aperçoit qu'il y a un truc qui va pas. Il reprend les images de ce qui s'est passé avec le président, et il s'aperçoit, en prenant les photos des objets, qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc il va chercher plus loin sur les anciens clichés qui ont été récupérés, des nappes trouvées en avion, en survol. Et il s'aperçoit que c'est bizarre, on voit comme des taches et des coups de pinceau. Ah, j'ai dit feutre tout à l'heure, c'était pas loin en fait. Et en fait, voilà comment tout s'effondre. En fait, voilà. Et Elf arrive encore pas à y croire. Elf dit, il dit c'est la parano de Aldo qui nous fait des faux trucs pour nous faire croire. Enfin, tu vois. Mais ils sont pas, ils ont des personnes censées chez Elf ou... Non, en fait, à mon avis, ils se rejettent. Ce qu'expliquait une des personnes qui bossait là-bas à l'époque, il disait, en fait, quand un truc est trop gros pour être vrai, mais quand tout le monde te dit que c'est vrai, et que t'es le seul à dire que c'est faux, alors qu'en fait, tout le monde pense que c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'effet de groupe. Ouais, ouais. Et au bout d'un moment, plus personne n'ose dire que c'est faux. T'as peur d'être écarté du groupe, voilà, en pensant... C'est un vrai phénomène psychologique qui... bien adapté... bien illustré, là. Alors, donc, en fait... ils finissent quand même par avoir des doutes, ils font une vraie expertise, il y a même un physicien indépendant qui va venir regarder qui va venir demander un test à Aldo, qui continue à faire à embrouiller tout le monde. Mais là il lui dit, voilà, il prend une règle, il dit, voilà, je la mets dans l'enveloppe, je la pose derrière la porte, et toi on va voir si on la voit sur ton écran. Alors en effet, on voit le physicien, l'expert qui prend la règle, la met dans l'enveloppe, il va de l'autre côté de la porte, il la pose, il ferme la porte, et là on voit Aldo qui met sa machine en marche, et hop, paf, sur l'écran il y a la règle qu'on voit à travers la feuille. À ce moment-là, l'expert va ouvrir la porte, récupérer l'enveloppe, il ouvre l'enveloppe, en effet il y a une règle, mais elle était cassée en deux à l'intérieur, il l'avait cassée en la mettant. Et là, Aldo a pas eu le temps d'adapter son truc, tu vois. Ah Et ouais, c'est c'est pas comme ça que mal cette ça. fois, voilà, vraiment, on est sûr qu'Aldo est un tricheur. Joli. Aldo finit par quand même dire ouais, mais c'est parce que mon matériel n'était pas au point. Enfin, il continue à essayer d'embrouiller, mais là, ça marche plus. Alors, une dernière réunion au sommet avec une autre démo, on lui arrache le matos des doigts, finit par convaincre tout le monde. Elf est tellement embêté qu'il va bien sûr ne pas du tout divulguer tout ça. Une grande partie de l'argent va être restituée à Elf. Oui, parce qu'à l'époque, c'était oui, c'était un projet Et secret, bien sûr, oui, j'imagine bien que. sûr. Parce que ne D'accord. serait. En plus, on s'était aperçu, Aldo avait fait comprendre qu'on pouvait aussi, sur un test, il avait réussi à faire croire qu'on avait vu un sous-marin nucléaire. Donc ça devenait un secret militaire. C'est-à-dire que, Ouais, ah, à cette putain, il est époque, le fort. château du comte, là, était gardé par des militaires. Eh ben putain. Donc de toute façon, c'était le plus grand secret. Donc ils sont obligés de rendre une partie de l'argent. Ils vont pas. Point de vue poursuite, il va pas se passer grand-chose parce que, bah, secret complet. Et voilà, donc ils ont quand même perdu une certaine somme, qui est donc, je t'avais dit au début, 150 millions d'euros. Le compte va finir ruiné, parce que l'argent qu'il a pu garder, il l'avait tellement investi dans son château et autres qu'il n'a plus grand-chose. Aldo va disparaître. De nos jours, il vit en Italie, il répare des télés. Il est encore Il est vivant? encore vivant, on le voit. Il devait J'ai vu avoir un combien? 80 reportage, ans? j'essaierai de vous mettre le lien parce qu'il est sur YouTube. Il est dans un petit appart pourri, il fait des réparations de télé, il continue à dire que son invention marche et qu'en fait tout ça n'était que, enfin, tout le monde, voilà, et que tout le monde l'emmerdait et que c'est pas de sa faute. Et quand il parle, il a l'air convaincu. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il a fini par se convaincre de ses propres trucs. Ouais. Mais le plus amusant, c'est que s'ils avaient vraiment cherché un peu, ils auraient pu trouver. Je t'ai laissé un extrait sonore, je sais pas si tu l'as. Ouais. Vas-y, passe-le. Pourtant, la lecture d'un livre paru en 1971 aurait pu éclairer même un espion débutant. L'auteur y racontait l'histoire d'un jeune Italien qui avait fait disparaître en public un vieux pot, des casseroles et une poupée. Il avait inventé, disait-il, un rayon à désintégrer la matière, son nom, Aldo Bonassoli. Et pourtant, 5 ans plus tard, c'est sur ce magicien que l'État français fonde tous ses espoirs pour résoudre la crise pétrolière. Bravo l'État français. Voilà. C'est-à-dire, il n'était pas son coup d'essai, le petit Aldo. Et c'est donc 2 ans plus tard que le canard enchaîné a rouvert le dossier en retrouvant des comptes. On voit des comptes sur la recherche de Elf qui représentaient ces millions-là et qui se demandaient d'où ça venait. Ils ont fini par déterrer tout ça. Voilà. Belle histoire, non? Des avions Ouais, renifleurs. c'est déprimant. Oui, c'est hallucinant. Franchement, elfe, pas très fin sur ce coup-là. Et ben voilà. Parce que tu nous as explosé le compteur quand Je même suis là. désolé, hein, je C'est savais que pas ce serait un grave, peu c'était long. super bien. Alors, Pépé, ça va être à toi maintenant. Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Ah bah, je te propose d'écouter ça tout de suite. Je suis sûr que t'as deviné. Joe Dante, tu vas nous parler de Joe Dante. Exactement. Alors, Joe Dante est né en... Non, Non, toujours pas. non, c'est pas ça. À ton avis, un petit peu de sérieux dans cette émission. Eh bien, nous parlons d'un film des années 80 qui s'appelle Gremlins. Tout à fait, Quel Thierry. rapport avec l'aviation? Alors, on n'en est même pas préparé en plus. Magnifique. Alors, donc, je vais vous parler de Gremlins, donc très bon film de Joe Dante de 1984. Rapidement, c'est l'histoire de Billy Pelzer qui reçoit en cadeau de la part de son père un petit animal tout mignon, un Mogwai. Mais le souci, c'est qu'élever un Mogwai, c'est très contraignant. C'est pas toi qui vas me dire le contraire. Non, élever un Mogwai, c'est très contraignant. C'est très, très contraignant. Et il y a 3 grandes règles. Est-ce que tu peux m'énoncer les 3 grandes règles? Alors, ne pas lui donner à manger après minuit. Ouais, ce qui est un petit peu con parce qu'après minuit, Oui, j'ai jamais voilà, compris. et avec les Voilà. fuseaux horaires et tout ça. Oui, voilà. Il faut pas le mouiller. Ouais. Et le Et le troisième? troisième. Quelque chose qui peut le tuer. Quelque chose qui peut le tuer. La lumière du jour, peut-être, non? Ouais, ne pas les... soit une très forte lumière, soit la lumière du jour. D'accord. Ça peut le tuer. Alors, donc, dans le film, les, les deux règles, donc le mettre en contact de l'eau et lui donner à manger après minuit, forcément, sont bafouées. Ouais. Sinon, ça ferait pas, y aura pas le film. Sinon. Voilà, et donc ça, ça conduit le Mogwai à se reproduire et à engendrer d'autres Mogwai bien plus dangereux et agressifs, les Gremlins. Et Dieu sait qu'ils sont... Alors, attends, ça crée d'autres Mogwai pas très gentils, qui, après être mouillés... Ouais. Oui, deviennent voilà. Des Gremlins. Oui, voilà. C'est... Soyons précis. C'est plus simple. Oui, parce que d'abord on lui donne à manger et après il est en contact. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Donc, parce qu'a priori, ça n'a aucun rapport avec l'aviation. Eh bien, détrompez-vous. Alors, en fait, les Gremlins sont à la base des animaux fantastiques tirés d'une légende urbaine. Donc, un Gremlin, c'est une sorte de petite créature de la taille d'un lutin avec des oreilles pointues, la peau verte. Mais le plus curieux, c'est que cette créature a une prédisposition pour la mécanique, et plus particulièrement tout ce qui touche aux avions. Eh oui. Et donc pendant la Seconde Guerre mondiale, en Grande-Bretagne, il y avait plusieurs histoires de pilotes qui racontaient que ces créatures sabotaient les avions en plein vol. Et donc on retrouve une des premières occurrences de cette créature dans les années 1920 déjà. Ah oui. Et donc c'est même devenu un des termes argotiques de la Royal Air Force. Après je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais c'était dans le papier avec tous les termes d'argot. D'accord. Y a certains qui ont même dit que cette histoire remontait à la Première Guerre mondiale, donc on peut peut-être remonter en 1915 déjà. Mais, mais on n'a toujours pas de preuves, ouais, c'est ça le souci. C'est que, mais oui, c'est suite à des accidents d'avion ou... Ouais, en fait, il était bon ton de blâmer les Gremlins pour tous les incidents techniques inexplicables que les avions avaient à bord. Donc t'avais un souci de à bord, c'était les Gremlins quoi. D'accord. Et il y en a certains qui pensaient que c'était les Gremlins existaient vraiment et que c'était une arme ennemie. que les ennemis utilisaient, donc à l'époque c'était les Allemands, que les Allemands utilisaient pour saboter les avions alliés, quoi. D'accord. Mais après, ils s'apercevaient que les Allemands aussi avaient des problèmes techniques, des soucis techniques, donc après on a un petit peu rationalisé tout ça, et au final, on avait des doutes sur l'existence des Gremlins. En fait, en réalité, le Gremlin, c'était surtout ce qu'on appelle en anglais un bug passing. Est-ce que tu connais ? Tu connais le terme ? Bug passing ? Ouais. Oui, c'est passer la patate chaude, en fait, c'est ça ? Ouais, voilà, ah, mais exactement. C'est le fait de mettre sur le compte de quelqu'un d'autre les fautes et la responsabilité d'une de ses propres décisions. Ouais, voilà. Genre, je suis un mécanicien, j'ai foiré. Bah, plutôt que dire que c'est moi, bah, c'est de la faute des Gremlins. Voilà. Puis, pour la suite, c'est l'auteur bien connu, Roald Dahl. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Roald Dahl ? Que dalle. Je sais pas. Ah, il a fait Charlie à chocolaterie. Ah, d'accord. Pas le film, je te rassure. Oui. Voilà, il a fait aussi Fantastic Mr. Fox. Ah bah oui, dont le film d'animation est génial. Ah, il est superbe. Ouais. Et donc Roald Dahl, il a romancé cette histoire dans un de ses livres. Mais il faut savoir que Roald Dahl, c'était un ancien pilote de la Royal Air Force. Ah d'accord, donc il connaissait bien le sujet. Voilà, donc il a vraisemblablement entendu toute cette histoire pendant qu'il était... Parce qu'en fait, pendant qu'il était en train de piloter, parce qu'un jour il a eu un accident et il s'est écrasé avec son avion dans le désert de Libye. D'accord. Voilà. Donc ça vient, donc après le déroulement de cette légende urbaine est passé par Roald Dahl. Mais bien sûr, il y a plein d'autres références. Ah, en fait, le film est tiré du roman, donc. Oui, il s'en est inspiré. Ouais. Inspiré seulement, d'accord, ok. Enfin, il en est tiré, mais après on retrouve pas le... Parce que les Gremlins, c'est particulièrement tout ce qui touche aux avions. Oui, c'est vrai. Mais on retrouve, je sais pas si tu te souviens, à la fin dans Gremlins, t'as un petit speech qui dit... Alors, si votre climatiseur est en panne, si votre machine à laver est en panne, ne cherchez pas plus loin, c'est peut-être l'œuvre d'un Gremlins. D'accord. Il y a aussi les Gremlins dans les montres, je sais plus, tu connais bien. Ouais, il y a une réplique d'un personnage qui fait de toute façon, les Gremlins, ils en font des tout petits, ils en mettent dans les montres. Comme voilà, c'était ça, les ennemis qui ça marche pas. Ouais. Et donc, il y a bien sûr plein de références dans les films. Donc on peut au moins citer l'épisode de la quatrième dimension. Oui, avec l'acteur qui jouait dans Troisième planète après le soleil, je ne sais plus son nom. C'est William Shatner. Ah, c'est William Shatner qui joue dedans ? Bah, d'après ce que j'ai lu, c'est William Shatner. Ah d'accord, je me trompe, je croyais que c'était pas lui. Après je dis peut-être des conneries. Non, c'est donc, peut-être moi c'est mes souvenirs, hein, donc tu vois. Mm. Et donc on voit le personnage interprété par William Shatner qui voit un Gremlins en train de manger l'aile d'un avion. Bon après ça ressemble pas au Gremlins qu'on connaît dans le film. Ah oui, non. Ça ressemble à un Gremlins taille humaine avec une espèce de vêtement bizarre. Mais dans l'épisode de la quatrième dimension, je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Le héros, en fait, je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a un remake de cet épisode qui a été fait des années après. Sur la nouvelle série sur, enfin, oui, sur, plein... la, ouais. sur la nouvelle série, c'est pour ça que je confonds les acteurs. Donc la petite particularité du personnage de William Shatner dans dans Quatrième Dimension, c'est qu'il vient de se remettre d'une maladie mentale ou d'un trouble mental, en fait. Donc forcément, personne le croit. Dire qu'il voit une créature en train de manger l'aile d'un avion, alors qu'il vient de guérir, forcément, c'est pas... Ouais, c'est... C'est pas GG, comme on dit. C'est pas GG. T'as d'autres références comme ça ou pas? Sur Gremlins? Non. Mm. Bon, il n'y a pas X-Files qui a fait un épisode à part sans doute, oui. Parce que qu'est-ce que X-Files n'a pas fait, c'est ça. Voilà, il y a plein de petits épisodes. Il y a aussi des suites de Gremlins, mais qui ne sont pas estampillés Gremlins. Ah bon? Bah, il y a Gremlins 2, bien sûr, mais... Bah, et après, il y a le film de la quatrième dimension, si je ne me trompe pas. Ah bah, non, y a pas... bah voilà, c'est dans le film de la quatrième dimension, voilà. Dont un des épisodes est fait avec cet acteur dont je parlais. Voilà, il y a le film de la quatrième dimension qui est... plus ou moins inspiré de la suite de Gremlins pour certains trucs. D'accord. Pour certains passages. Et le film de la quatrième dimension est un remake de l'épisode de William Shatner, plutôt, je crois. Voilà, oui. Je pense. Juste pour terminer avec les Gremlins, j'ai passé juste un extrait de ma scène préférée. La scène dans le cinéma, tu vois très bien. Oui. Ouais. Parce qu'il y a la scène dans le bar qui est géniale. Ouais. Mais il y a la scène où ils sont tous dans le cinéma avec leur popcorn et, ouais. et à un moment... Voilà. Voilà, c'est franchement, regardez le film. Oui. Le 2 est un peu plus oubliable. Le 2 est plus oubliable, mais quand même nécessaire à suivre. Ouais, il y a des maladresses. On a discuté, c'est tout le côté mutation génétique, tout ça, ouais, qui passe pas. Ils essaient d'en faire beaucoup. Ouais. Surtout avec l'araignée. Oui. Au secours. Et le électrique. Le Gremlin, c'est électrique, n'importe quoi. Voilà, très bien, je pense qu'on a fait le tour de nos petits sujets de cette fois-ci. Eh bah ouais, mais ça me semble pas mal. Je te propose de passer à la conclusion avec... je le mets, hein, désolé. Hein. On avait dit que ça suffisait. Eh ben, ça suffit pas. Alors, merci de nous avoir suivis, si vous avez écouté ça, vous avez du courage, ouais. Je pense. Désolé. Donc, ouais, forcément c'est un pilote, donc si vous avez des trucs à dire ou... Si vous voulez nous reprendre sur nos conneries, n'hésitez pas. A priori, bon, ce sera diffusé. Enfin, on le diffuse ou pas, alors, au final? On va voir. Pourquoi pas? Bah, je vais faire le montage et puis je te le mettrai à disposition. À approbation. Ouais. Bon, on va peut-être le diffuser, vu que ça fait plusieurs trucs qu'on n'a pas diffusé. Au bout d'un moment. Ouais. Donc, il n'y aura pas de site ni de Twitter pour l'instant. On verra, voilà. Donc, ce sera juste un lien qui traînera sur Twitter. Donc, chopez-le. Ce sera le podcast Underground. Voilà. Alors, est-ce qu'on en fait d'autres? Eh ben, on va voir ce qu'ils en pensent, les quelques personnes qui l'ont subi. Bah, moi, je suis bien tenté pour en faire d'autres, quand même. Ça pourrait être sympa, ouais. Bon, et on les diffusera pas, alors. Voilà, c'est ça. On diffuse que le pilote. Peut-être avec un invité de temps en temps, qu'est-ce que t'en dis? Mais pas, pourquoi pas. Si on trouve quelqu'un qui a de bonnes trucs sympas, voilà, à nous dire. Sur un sujet donné, voilà. Ça pourrait être bien. Très bien, bon bah, on va se quitter avec une petite musique. Ça marche. Alors, c'est Mighty Wing de Cheap Trick et c'est tiré de la BO de Top Gun. Eh wesh, allez, on vous dit à la prochaine fois s'il y en a une. Salut. Ciao. péremptoire quand tu écouteras cette phrase. Il sera temps de faire le montage. Vive le Télipton.